le silence est d'or. La discrétion, je suis l'empereur. Le self-contrôle est ma passion. C'est une question d'éducation. Je sais rester impassible aux réflexions les plus risibles, aux mesquineries de bas étage. J'ai la tête dans les nuages, mais même si c'est reposant,